J'écrivais ce que je pensais pas. J'écrivais ce qui me passait par la tête. Des débuts d'histoire, toujours les débuts. Mais jamais je n'écrivais. Je n'arrivais à continuer. Comme les fins sont tragiques, le début me plaisait toujours. Cette fin qui signifiait la mort, le projet se termine. Croyez-vous, ça excitant la fin de quelque chose? Bien sûr qu'il y a des fins qui méritent excitation et festivité. Imaginez la fin, les taxes, des impôts. Oh. Fin des guerres, pas jamais, plus jamais ça. Bien sûr que l'on pourrait réagir de bonne façon, avoir un bon fond à écrire, donc cette fin, mais moi la fin a toujours été. Arriver à faire ce qu'il fallait. Non, non, une gloire donc. Je n'arrivais pas à écrire. Et même quand j'ai voulu finir d'écrire, que justement j'en avais la fin. La fin, je l'avais. J'avais les mots. C'est là, dans ma tête, j'ai pris l'ordi pour tout taper là, impossible de l'allumer, un problème. Je ne sais pas, il ne voulait pas, est-on de comprendre que... l'écrire avec un papier, un stylo. L'idée parfaite s'était disloquée. J'en avais des fragments, mais le meilleur de ma pensée s'était évaporé. Quand on est devant le rêve, dedans le rêve, tout est clair, tout est si clair, tout est clair, tout est si clair, dans le rêve, dedans le rêve. L'histoire est compréhensible, sans dysfonctionnement, sans discorde, sans déformation de la pensée. Et qu'on repense à l'histoire, on essaye de la remettre à ce que l'on connaît comme référence. L'histoire ne tient plus, et ses filoches se brisent, il ne reste que des débris. Ce rêve qui paraissait si parfait, qui paraissait. où j'en suis. À l'instant où j'écris, ces mots qui passent si parfaits. J'en ai bien l'idée générale, mais le meilleur est parti et désaccordé. Meilleur est parti. Et puis c'est la nuit, la fatigue, et en place me fait bailler les yeux qui pétillent, l'envie de dormir. Semble avoir écrit l'idée principale, mais là encore la fin n'arrive pas. La fin n'arrive pas, mais l'idée principale. De mes attentes, la fin n'arrive pas à la hauteur de mes attentes. Is it good?